quand le soleil est parti. On redevient seul quand une personne se détruit. Un souffle obscur qui repousse la vie. Une mémoire déchue qui s'envole sans être polie. Mais à quoi bon s'attirer dans le vide et faire le tour abandonné, sa chrysalide. On dit souvent qu'il faut rester rigide, affronter le mal sans succomber au suicide. Mais si on savait tout ce que l'avenir réserve, si on savait l'instant final de l'univers, si on savait arrêter de figer le temps et pouvoir profiter. Ouais, si on savait! C'est fini, puisque c'est dit. Passer à autre chose, passer dans l'au-delà. Ce que l'on est pour paraître cela. Finir dans l'après quand on vient de partir. S'enlever la vie, c'est mentir aux promesses. Demander la mort, c'est manquer de sagesse. On n'a qu'une vie, c'est ça la vérité. On se rend compte des choses un peu trop tard, c'est vrai. Ouais, si on savait tout ce que l'avenir réserve. Si on savait l'instant final de l'univers. Si on savait arrêter de figer le temps et pouvoir profiter enfin d'un seul moment. Ouais, si on savait! Ses sens est surmontable. Perdre la vie est irrémédiable. Être attiré par la lumière, c'est être seul dans le désert. Sans que personne ne puisse agir. Se battre contre la mort et réagir. Elle ne l'emportera pas au paradis sans qu'on lui dise je t'en supplie. Et si on savait ce que l'avenir réserve, si on savait l'instant final de l'univers, si on savait arrêter de figer le temps et pouvoir profiter enfin d'un seul moment. Si on savait tout ce que l'avenir réserve, si on savait l'instant final de l'univers, si on savait arrêter de figer le temps et pouvoir profiter enfin d'un seul moment. Et si on savait.